Samedi 15 décembre, 20h. Ne manquez pas le grand retour de Maximar de Dolbeau-Mistassini, alors que le multiconcessionnaire reçoit la visite du MGR Express de Saguenay. N'oubliez pas vos denrées non périssables pour les plus démunis. Prix d'entrée seulement 8 $. Du hockey de haut calibre avec des joueurs d'ici. Go Multi Go! Votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional de l'édition du 14 décembre. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional d'abord en parlant que hier, dans la section entrevue de DanRadioSport.com, on a parlé avec le commissaire de la Ligue du Lac-au-Fleuve, Mathieu Caron, concernant l'arrivée de Marc Simard avec l'équipe du multiconcessionnaire. Pourquoi c'est particulier? Parce que Marc Simard est âgé de 54 ans et on lui demandait et Mathieu Caron mentionnait qu'il était au courant que le multiconcessionnaire voulait avoir les services de l'attaquant natif du Saguenay. Je savais que c'était pas un joueur qui allait être régulier, mais eux, justement, ils voulaient l'avoir dans l'organisation. Donc, je sais qu'il y a des hommages, faire des activités avec lui, suite du temps du junior, et tout. Fait que moi, pour moi, là, c'est pas farfelu. Si on réussit à s'entendre, si M. Simard a pu se mettre en forme, là, pour pouvoir jouer sa match en fin de Caron a mentionné qu'il ne s'est pas posé de questions concernant le sérieux avec la Ligue. Honnêtement, je connais pas vraiment le gars, je connais pas le joueur, je connais de réputation, ouais. Mais je connais pas vraiment de joueur, comme j'ai jamais vu vraiment jouer au hockey. Mais écoute, je pense que l'individu, il doit c'est être solide, il est très solide. Il est capable de pouvoir évoluer. Je pense que comme j'ai entendu dans l'entrevue, là, ça fait 4 mois qu'il est au gym, qu'il se prépare à ça. Je pense pas que ça va être un joueur de premier trio non plus. Rendu là, je pense que à l'organisation du multiconcessionnaire, il pourrait vraiment donner plus de commentaires sur ce sujet-là. Non, mais c'est parce que j'ai changé. Marquis de Jonquière ont frappé un grand coup de circuit hier. Ils ont acquis Alexandre Picard, qui a été un choix de première ronde des Blue Jackets de Columbus en 2008. Picard a joué quelques parties dans la Ligue nationale, mais c'est plus particulièrement dans la Ligue américaine de hockey. On va vous donner maintenant des pointages qui s'est passé au cours des derniers jours dans les différentes ligues simple lettres. D'abord, à noter que du côté du simple lettre du novice B, à noter que les victoires quand même des Castors de Dolbeau 5-3 sur les Sabres de Robertval. Aussi un gain des Sénateurs de Saint-Félicien 5-3 sur l'équipe Sabre 2 de Robertval. Les Castors de Dolbeau ont fait les Loups de Dolbeau-Mistassini 4-1. On va maintenant y aller avec du Atome A. Il y avait d'autres matchs. Hurricanes de Robertval ont défait les Bulldogs de Saint-Félicien 3-2. Verdict nul de 2-2 entre les Éperviers de Lac-Saint-Jean et les Aiglons d'Alma. Et aussi, à noter les Patriotes de Saint-Bruno ont défait les Aiglons d'Alma 3-0. Du côté maintenant de l'Atome B, il y avait des matchs. Les Génois d'Allemagne ont défait les Sabres de Robertval 5-0. Les Castors de Dolbeau ont défait les Patriotes de Saint-Bruno 6-1. Et du côté maintenant des Castors de Dolbeau, ils ont défait les Aiglons d'Allemagne 8-1 également. Aussi du côté du Pee-Wee A, fait à noter que les Hurricanes de Lac-Saint-Jean ont perdu 8-3 contre les Aiglons d'Allemagne. Aussi dans la même catégorie, plutôt dans le Pee-Wee B, gain des Génois d'Alma 3-2 sur les Éperviers de Lac-Saint-Jean. Aussi un gain des Sables d'Orbeva 5-1 sur les Sénateurs de Saint-Félicien. Et dimanche, les Sénateurs de Saint-Félicien ont défait les Éperviers de Lac-Saint-Jean 5-0. Je l'invite à écouter la section entrevue de DanRadioSport.com. Hier, on a parlé avec Bernard Barré. On sait que David Lemieux remonte dans le ring ce soir. Également, on a parlé aussi avec Mathieu Caron de la Ligue du Lac-au-Fleuve. Et vous pouvez également écouter Simon Gaudreau qui a fait le bilan du premier tournoi des Aigles de Robertval qui a été présenté la semaine dernière. Le sport local et régional, à DanRadioSport.com. On s'en occupe.